Émission hors série, Histoire 002. Bonjour et bienvenue à cette émission hors-série de notre podcast. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de Sacamine, ce petit village du Québec, si dans les cantons de l'Est, où sont nés mon grand-père et mon arrière-grand-père paternel, et où est enterrée mon arrière-grand-mère. L'auteur, l'abbé Lévesque, fut curé de l'endroit pendant un certain nombre d'années. Place donc à la deuxième partie de Sacamine, comté de Wolfe. Les éditions de l'Avenir présentent La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, curé. Édité à Montréal en 1908. Chapitre 5. Les familles Renaud, Darvaux, Devin, Boisvert, Roy et Miquelon, premier colon. Jacques Renaud, Georges Darvaux, Antoine Devin, Joseph Boisvert et Pierre Roy arrivèrent peu après des rivières et de relais. Jacques Renaud était peintre et travaillait dans les fabriques de meubles de Saint-Roch de Québec. Sa spécialité était de strapasser les meubles et les chaises. Il excellait dans cet art tout nouveau dans les fabriques de la ville. Je le tiens de l'artiste même. Marié à Flavie Ménard, il avait 4 enfants en 1849 quand il se fixa près de Desrivières. En se faisant colon, il n'abandonna pas son métier favori. Malgré son grand âge, nous le voyions souvent passer, sa voiture encombrée de chaises de toutes nuances. Excessivement vif et laborieux, il conserva longtemps presque toute sa vigueur. Son suprême plaisir était d'égayer les jeunes gens par les anecdotes du vieux temps. Il s'est éteint à l'âge de 85 ans et 6 mois après quelques jours de maladie. L'inhumation eut lieu dans le cimetière de Saint-Camille le 2 juillet 1903. Le véritable colon, fils de cultivateur, fut Georges Darvaux. Parti garçon de la Pointe-aux-Trembles près de Québec, il épousa en 1850 Marie Dion de la famille Joseph Dion de Hamsud. Ce fut le premier mariage célébré à Saint-Camille. Le révérend L.A. Dupuis, curé de Saint-Ferdinand d'Halifax, leur donna la bénédiction nuptiale dans la maison de Joseph Dion. Aujourd'hui, leur fils, Edmond Arthur Georges Numa, sont cultivateurs et résident dans la paroisse. Antoine Devin venait de la paroisse de Saint-Timothée. Marié à Joseph Teguay, il eut 6 enfants, dont 2, Daniel et Antoine, demeurent dans la paroisse. Joseph Boisvert, né à Saint-Louis-de-Lobinière en 1800, épousa à Sainte-Croix Flavie Le Tendre. Plus tard, demeurant à Warwick, ils décidèrent en 1849 de s'établir dans les bois de Saint-Camille avec leurs 3 enfants, Joseph, Pierre, Honoré. Le père, Joseph Boisvert, est décédé en 1876 et son épouse en 1877 à Saint-Camille. Le 20 mars 1852 arrivait de Sainte-Enédine Pierre Roy, avec une famille de 9 enfants, dont 2, Louis et Pierre, sont cultivateurs à Saint-Camille. Un autre colon, le plus signalé de tous, fut Joël Miquelon, arrivé en août 1852. La meilleure partie de sa vie fut consacrée à la noble cause de la colonisation et de l'agriculture dans les cantons de l'Est. Son champ d'action fut surtout Saint-Camille. Fils de Pierre Miquelon et de Marie-Anne Pinchot, Joseph Zoël Cyr naquit le 11 février 1834 à Saint-Félix-de-Clinicé. et suivit le cours d'école élémentaire de sa paroisse. Colomb a 16 ans, il n'oublia jamais l'impression que fit sur son esprit l'endroit choisi à l'arrière-plan du canton de Watton. Les sinistres présages de l'ennui et du découragement l'attendaient à son entrée dans ces lieux. Le jour était sombre, la route boueuse. Le tonnerre grondait au-dessus de sa tête et deux pauvres huttes de défricheurs étaient les seules constructions du lieu où il s'arrêta pour dresser sa tente. Le tableau ne faisait pas envie. Dès la première nuit, le repos et le sommeil réconfortèrent son cœur. L'aube matinale du lendemain plaça encore sous ses yeux la grande forêt silencieuse. Mais la situation paraissait moins lugubre. Avec des hommes et des habitations, disait-il, la scène changera, le décor s'agrandira, les arbres tomberont sous les coups redoublés de la hache et des défricheurs, la flamme s'avivera dans les bûchers, la fumée montera et tout s'animera promptement dans la nuit sombre de la forêt. Des impressions nouvelles se faisaient ainsi jour dans l'âme du jeune défricheur. Ce coin de terre ne tarda pas à devenir l'objet de ses prédilections. Il s'y attacha avec toute l'ardeur de son tempérament enthousiaste et travailla pendant 30 ans à le faire progresser. Son esprit d'initiative lui fit jouer ici un des rôles les plus importants et des plus honorables. Doué de talents remarquables, il aurait suivi avec distinction un cours classique et universitaire. Sa mémoire prodigieuse l'aida surtout dans les affaires. Son application à la lecture et à l'étude des choses pratiques lui fit acquérir une somme de connaissances qui lui permit de remplir avec succès les diverses fonctions auxquelles il fut appelé. Ainsi, sans avoir étudié le génie civil d'une manière régulière, il possédait suffisamment les notions d'arpentage pour rendre de grands services aux colons. On confia à sa direction les travaux de presque tous les chemins de colonisation qui s'ouvrirent dans la région de Saint-Camille. Même, il fut appelé à faire de semblables travaux en dehors du comté. En août 1876, il traça le chemin qui relie la patrie de Deaton à Scotstown. C'est toujours à la satisfaction générale qu'il s'acquitte de ses fonctions d'arpenteur. Lors de l'érection du canton de Saint-Camille en municipalité, les conseillers municipaux et les commissaires d'école choisirent M. Miquelon pour secrétaire trésorier, charge qu'il remplit pendant plusieurs années. Il fut aussi l'un des organisateurs de la Société d'agriculture numéro 2 du comté de Wolfe. La première réunion eut lieu à Watton, chez M. Benjamin Millet, le 6 août 1866. Les officiers élus furent Norbert Bourque, Watton, président, Joseph Dion, Amsud, vice-président, J.Z.C. Miquelon, Saint-Camille, secrétaire trésorier. Directeur, messieurs Pierre Roy et François Saint-Jean de Saint-Camille, Benjamin Millet, Patrick O'Brady, Félix Janel et Charles Saint-Jean, Watton, Alfred Gavin, Amsud. Le 14 février 1874, M. Miquelon fut nommé garde forestier et en eut la charge jusqu'à son départ pour l'Ouest en juin 1883. Il sut servir fidèlement les intérêts de la couronne tout en se montrant sympathique aux défricheurs. Son temps était utilement employé même au milieu des travailleurs de la forêt. Il consacrait ses loisirs à les égayer par des chants humoristiques et heureusement improvisés. En voici un. Monsieur de la Couronne, le garde forestier. L'hiver et l'automne, mon jet est au chantier. Couchant près de la flamme, pour geler ou rôtir, si je pense à ma femme, cela me fait plaisir. Si je pense à ma femme, cela me fait plaisir. Le matin de ma couche, je quitte les duvets, n'ayant eu qu'une souche pour poser mes mollets. Tous ces maux sont pour l'homme le plus doux à souffrir. Quand il pense à sa femme, cela lui fait plaisir. Quand il pense à sa femme, cela lui fait plaisir. Gisèle C. Miquelon, janvier 1882. Ces charges diverses avaient mis M. Miquelon en contact avec toutes les classes de la société, mais ses rapports intimes le lièrent à la classe agricole dont il était l'ami et le conseiller. Il fut souvent pris comme arbitre pour régler les différends qui surgissaient entre voisins. Presque toujours, son opinion fit autorité. Il a fourni sa signature à plusieurs documents importants, entre autres bénédictions de cimetières, chapelles et églises. Sans compter que l'on rencontre son nom apposé à une foule d'actes de sépulture, mariage et baptême dans les registres. En quittant sa camille, il sembla ne pas vouloir l'abandonner définitivement. La moitié de sa famille y resta. Un enfant repose dans le cimetière et lui-même semble revivre dans la personne de ses filles bien-aimées, Elodia, épouse de J.H. Crépeau, et Cordélia, épouse du docteur Alphonse Thibault, premier médecin fixé à Saint-Camille. Observateur et poète à 16 heures, M. Miquelon cultivait les muses. Fait d'improvisation et souvent tout d'un trait, ses refrains populaires se chantent encore dans nos campagnes et lui ont valu le titre de barde des cantons de l'Est. La facilité avec laquelle il exprimait sa pensée était surprenante. Le 25 mars 1882, la grande thaumaturge du Canada, Sainte-Anne, recevait la supplique suivante demandant la guérison de son épouse, frappée d'une pleurésie mortelle. Bonne Sainte-Anne, ô mère de Marie, recevez donc mes tendres sentiments. Cette faveur prolongera ma vie et laissera la mère à ses enfants. Vous fûtes épouse et plus, vous fûtes mère. Et vous savez que ces titres sont grands en écoutant de l'époux la prière. Vous conserverez la mère à ses enfants. Gisèle C. Miquelon. Ces souvenirs et plusieurs autres sont religieusement conservés par la famille Crépeau, ainsi que l'article suivant publié en 1883 par l'Album des familles, journal. Monsieur J.Z.C. Miquelon de Saint-Camille de Wharton, avantageusement connu dans cette partie du pays, vient de publier une poésie pleine de sentiments à l'occasion de son départ pour le Nord-Ouest. Pour n'avoir reçu qu'une éducation élémentaire, dit le Sorlois, Monsieur Miquelon n'en possède pas moins une somme considérable de connaissances qu'il a acquises à force de travail. Il s'est toujours distingué pour la facilité avec laquelle il tourne ses vers, et on peut dire de lui qu'il est un véritable chansonnier vivant. Âme sensible et charitable, ami sincère et dévoué comme on en rencontre rarement, M. Miquelon sera sincèrement regretté par ses nombreux amis de la province de Québec. Voici ses adieux à la forêt. Adieu, belle forêt, compagne de ma vie. Tu fus ma bonne amie. Accepte mon regret. Un sol à préparer, couvert de durs herbages, va pour moi remplacer tes arbres et leur feuillage. Adieu, forêt, adieu. La plaine, désormais, aura mes premiers soins, mais t'oublier jamais. Le plus mauvais ormeau, la mauvaise colline, même la dure épine, pour moi, tout était beau. Aussi, le gros rocher à la couleur livide, qui semblait s'élancer comme une pyramide. Adieu, forêt, adieu. La plaine désormais aura mes premiers soins, mais t'oublier jamais. J'aimais contempler le gros pin dont la tête au fort de la tempête balançait sans tomber, ainsi que le sapin au rameau vert et sombre sous lequel le lapin vient se placer à l'ombre. Adieu, forêt, adieu. La plaine désormais aura mes premiers soins, mais t'oublier jamais. Je regrette le mont à la douce verdure. Comme sur la fourrure, j'y reposais mon front. À mes pieds, le ruisseau, dont l'onde bienfaisante descendait du coteau, attiré par la pente. Adieu, forêt, adieu. La plaine, désormais, aura mes premiers soins, mais t'oublier jamais. Gisèle C. Miquelon, 6 août 1883. Son départ pour l'Alberta causa des regrets universels. Son souvenir est resté cher au cœur de ses anciens concitoyens. La distance n'a jamais altéré les liens d'amitié qu'il attachait à son village, comme il appela toujours Saint-Camille. Mon village, 1883. Le 5 du mois d'août 1852, à Wharton, je passais, marchant vers la frontière. Ma route était boueuse et le ciel nuageux, quand 2 heures après, j'arrivais à l'équerre, nom équivalent à détour à angle droit. De la route en ce lieu presque à l'état sauvage, le voyageur avait devant lui la forêt. Les deux pauvres huttes, c'était tout le village. Le bois, l'épais fourré, cet étrange plateau sur le déclin du jour ne portait pas envie. Aucun bruit, aucun son, pas un petit ruisseau, pas un murmure pour chasser ma rêverie. Pour moins me rassurer, le tonnerre grondait au-dessus de ma tête annonçant un orage. De l'endroit qui, ce jour, m'a paru sans attrait, heureux de l'avouer, j'en ai fait mon village. Ces fiers géants des bois qui couvraient ce canton, propriété de l'ours à l'épaisse fourrure, ont cédé au travail du vaillant bûcheron pour être remplacés par des champs en culture. Sur le bord de la voie, ou plutôt du sentier, où je m'étais assis fatigué du voyage, s'élance dans les airs un superbe clocher. C'est sur ce même sol qu'est assis mon village. Pendant 30 ans et plus, j'en fus l'humble habitant. Il est de par bon droit berceau de ma famille. J'ai plus ou moins pris part à son gouvernement, à tout ce qui pouvait aider à Saint-Camille. Le lecteur m'a compris, c'est ce groupe coquet de maisons recevant l'ombre d'un vert bocage, grâce aux nobles efforts faits par l'abbé Charret, qui peut avec orgueil le nommer son village. Combien de souvenirs resteront attachés aux bourgs où s'est joué le drame de ma vie. C'est là que mes enfants sont dans le monde entrés. C'est là qu'au chant des morts, ma fille est endormie. Tous, nous avons reçu d'un pouvoir surhumain des dons et des talents formant notre apanage. Si Dieu m'avait doué de celui d'écrivain, mon premier parchemin serait pour mon village. Voilà 9 ans enfuis, emportés par le temps, depuis que je chéris une autre résidence. Je supporte le poids de 50 printemps qui fait plier mon corps, rebelle à l'évidence. J'ai quitté pour moi-même, et plus pour mes enfants, cet endroit si aimé. En cela, je fus sage. Mais c'est avec plaisir qu'à tout propos j'entends ma femme, en soupirant, le nommer son village. Zoël Miquelon. Zoël Miquelon avait épousé à Watton en 1856 Nancy Durning, qui lui survit ainsi que 8 enfants, Elodia, Cordelia, Arsène, Raoul, Timoléon, Roméo, Camille, Athanas. Les 4 derniers sont établis dans l'Alberta. Lors de son décès, survenu le 9 août 1899, M. Miquelon habitait à Wetaskiwin, petite ville dont il fut l'un des premiers pionniers. Sa carrière dans l'Ouest fut la continuation de celle qu'il avait si bien remplie dans notre région. Elle est en partie retracée dans les paroles prononcées sur sa tombe par le révérend père Listang. « Dieu, dit-il, a promis des récompenses à ceux qui s'imposent la vie de misère du missionnaire, prêchant son évangile. Il a promis de récompenser ceux qui les aident, et je vous dis, mes amis, que ce brave citoyen dont nous regrettons la perte nous a rendu trop de services et trop aidé de son hospitalité, de ses conseils et de ses ressources pour ne pas avoir déjà reçu les récompenses qu'il a méritées. » Son service et sa sépulture ont eu lieu le 11 août à Saint-Albert. Notre brave compatriote avait exprimé avant de mourir le désir d'être enterré à l'ombre du clocher de la cathédrale de Saint-Albert, ce château fort des Canadiens français de l'Ouest. On a respecté ses dernières volontés. Qu'il repose en paix sur cette terre lointaine, où il fit sa noble part pour étendre le règne de la foi catholique et le prestige du drapeau national. Chapitre 6. Autres premiers colons. Leur origine, leur genre de vie. Le courant d'immigration est dès lors établi. Des familles de colons surgissent chaque jour de tous côtés, des environs de Québec, de Beauharnois, de Saint-Timothée, le plus grand nombre de Nicolet et de la baie du Fèvre. Les Pinchot de Kingsey, les Mansot, les Geoffroy de la baie, les Durand, les Bonhommes, les Devins de Saint-Timothée, les Longval, les Belles-Roses de Sainte-Monique, les Boutin, les Rois de Sainte-Énédine, les Boisclair, les Désilets, les Pinards, les Racines de Nicolet. Chacun apporte de sa paroisse ses idées, ses usages et ses coutumes. Ce qu'on apporte le moins, c'est la richesse. Mais ne vient-on pas dans la forêt comme dans les mines pour faire fortune? Hélas, il faut d'abord ambitionner de vivre. Laissons parler quelques-uns de ces braves colons comme ils le savent avec tant de vérité. C'est assez difficile de se faire une idée de la vie de ceux qui arrivent dans les bois sans le sou ou avec quelques piastres dans leur poche. La pauvreté les tourmente et ils font de la misère. La pauvreté dans les villes ou les paroisses ne ressemble pas du tout à celle des bois. Dans les villes et dans les vieilles paroisses, vous avez des voisins. Vous avez l'espérance qu'un jour ou l'autre, la bonne fortune viendra. Et quand vous avez mangé votre dernière bouchée de pain, vous savez que le voisin en a en abondance et qu'en cas de nécessité, il vous assistera. De notre côté, un mois de privation est assez supportable quand on a la certitude d'avoir bientôt tout à souhait. Mais le pauvre colon n'a pas cette consolation. Il ne compte que sur son travail. Il ne peut pas soulager sa misère autrement. Le bois l'entoure, et c'est au bois qu'il a affaire. Aussi n'est-il pas de misère qui ne vienne à sa rencontre. Pas d'argent, peu de pain, pas de chemin, mal bâti, mal vêtu. Il est très pauvre et tout va à l'avenant de sa pauvreté. Les travaux sont les plus durs. Souvent, les outils nécessaires à son travail lui manquent. Enfin, il possède toujours peu à la fois et tout à coup, il manque des aliments les plus nécessaires. Voilà la vie réelle du colon. Et avec ça, il n'est pas exempt de petites misères de la vie. Les autres membres de la famille ne sont guère plus avantageusement traités. Presque toujours, les femmes et les enfants doivent prêter main forte aux travaux de défrichement. Il arrive aussi qu'en prenant part à ces travaux, il soit obligé de se priver de nourriture afin de laisser au père le pain nécessaire au soutien de ses forces. Que divers les enfants de pauvres familles ont vécu du sucre d'érable, de céréales et d'herbes bouillies. Que d'été ils ont grugé des croûtes de pain noir avec les fruits secs des champs et des bois, fraises, framboises bleues, etc. Les défrichements se faisaient avec rapidité, mais quelles ressources pouvaient-ils véritablement fournir aux colons dès leur commencement? Dans une telle situation, on vit, on souffre. Chose étrange, on meurt pas. Tantôt triste, tantôt joyeux, nous mettons toute confiance en l'avenir. Les premiers chemins ouverts par le gouvernement furent ceux d'Amsud et de Wharton. Ces voies grobées n'offraient guère d'avantages dans certains endroits appelés les aulnières. On pourrait s'y engloutir tout vivant, de sorte que, pour un voyage rapide et assuré, il fallait passer les bois afin d'arriver aux centres de population les plus rapprochés, comme Danville et Doswell. On transportait à dos le salt, les pelleteries et les quelques produits que l'on avait. On les échangeait pour de la farine et du lard, puis on rapportait le tout sur le dos comme en allant à travers le bois. C'était le seul moyen d'arracher sa vie. Naturellement, il a dû en résulter bien des souffrances et des misères. La plus grande économie devait se pratiquer forcément afin de faire le moins de voyages possible. L'invention des auges traînées par des bœufs à travers le bois fut une merveille. On s'en servit pour les portages pendant 2 ou 3 ans. On ne dédaignait pas même d'en user au jour des fêtes de famille, noces et cérémonies de baptême. Il y a une petite anecdote assez comique que l'on raconte encore dans quelques familles de la paroisse. Il s'agit d'un compérage à la première chapelle. Le compère, la commère, l'enfant, la porteuse et le père de l'enfant avaient pris place dans une auge traînée par une vache et un bœuf. Tout allait bien et rien d'étrange ne se passa jusqu'au départ après le baptême. La corde de la cloche, montée sur une chèvre à la porte de la chapelle, était longue et généralement tendue. En contournant, le bœuf et la vache l'atteignirent et s'empêtrèrent si bien que la cloche commença à sonner avec autant de solennité que si elle avait été branlée par le bedeau. Le compère paya les bêtes avec 2 coups de baguette et le bedeau continua à sonner gratuitement. La situation s'améliora vite. Les chemins s'ouvrirent, et avec eux vint le commerce d'écorce et de bois. La fabrication du salt, la culture des céréales et d'autres améliorations contribuèrent à donner une certaine aisance aux colons. On rapporte qu'un d'entre eux, se voyant à bout de provisions, fit à pied le trajet de Saint-Camille à Saint-Timothée pour collecter de l'argent dû. Afin d'économiser sur les frais du voyage, il porta ses bottes sous son bras et emprunta un demi-pain à Nicolet, promettant de le remettre au retour. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, lu par Christian Martin. La musique est puisée dans le folklore québécois et appartient au domaine public. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt. Comme la dernière fois, en complément de programme, j'aimerais explorer avec vous les bienfaits généalogiques et historiques que l'on peut extraire d'un journal comme Le Progrès de l'Est, journal fondé à Sherbrooke, au Québec, en 1883. D'abord, en me penchant sur un patronyme que j'ai rencontré dans les articles que j'ai lus pour la version audio. Un de ceux qui revient le plus souvent est sans doute Bélanger. Le fait que M. Bélanger soit le propriétaire du Progrès de l'Est explique sans doute cet état de fait. La première fois que j'ai vu le nom Bélanger dans le Progrès de l'Est, c'est en page 4 de l'édition du 25 août 1883, dans une notice nécrologique signalant la mort de la belle-mère du propriétaire du journal, Madame Smith. La mort impitoyable qui ne cesse de faucher partout comme une aveugle et sans faire de distinction vient de mettre la famille par alliance du propriétaire de ce journal dans un deuil sombre et plein de regrets. Madame Martha P. Floyd, épouse de M. S. D. Smith, Worcester, vient de décéder après une courte et cruelle maladie de quelques jours à Boston, où elle était allée faire sa visite annuelle à son frère et à sa sœur, qui habitent encore le domaine paternel. Femme de cœur et de sentiments distingués, étant encore dans l'âge où la vie n'a pas perdu tous ses attraits, elle paraissait encore compter sur le chemin de l'existence de longues années pour faire le bonheur des siens. Elle a passé sa vie en mère chrétienne et en se dévouant à l'avenir de ses enfants. Elle n'avait pour M. Bélanger, qu'elle aimait comme son propre fils, de la belle-mère que le nom, car si jamais belle-mère a fait exception à la règle générale, c'est bien Madame Sweat. En rendant son âme à Dieu, et jusqu'à son dernier soupir, il n'a cessé de prier pour les membres de sa famille et de demander la bénédiction du ciel pour les protéger et les fortifier contre les tribulations d'ici-bas. Ces funérailles ont eu lieu à Boston aujourd'hui, au milieu d'un grand concours de parents et d'amis. Dans le cadre de la rubrique « Nouvelles du Canada » du 1er septembre 1883, j'ai rencontré le deuxième Bélanger. Il s'agit de Louis Bélanger, de Québec. Mercredi soir, vers 7h, M. Louis Bélanger, tailleur de pierre, aidait à un de ses voisins à transporter une maison de la rue Saint-Jérôme à la rue Saint-Ours, Québec, quand le levier dont il se servait est cassé, ce qui fit pencher la maison et écraser la jambe de M. Bélanger, qui est un homme de 57 ans, marié et père de famille. Le docteur Verge, ayant été appelé, trouva la fracture tellement sérieuse qu'il fit venir le docteur Lemieux pour l'aider à soigner la malheureuse victime. L.C. Bélanger habite Sherbrooke, au Québec. En plus d'exercer la profession d'avocat, notre homme semble être capitaine de bataillon. C'est, du moins, ce que j'en déduis par cet extrait de la rubrique « Sherbrooke PQ » du 1er septembre 1883. La semaine dernière, la 4e compagnie du 53e bataillon de Sherbrooke, sous le commandement du capitaine L.C. Bélanger, est allée tirer à la cible sur la ferme Terrill, dans Sherbrooke Est. Pendant deux jours qu'a duré cet exercice, M. le docteur J.O. Camiran et M. le docteur Reilly ont rempli avec beaucoup de complaisance les fonctions de chirurgien du bataillon. Dans la même rubrique de la même édition, on apprend que M. Bélanger, le même, est impliqué auprès de la commission scolaire. À leur dernière réunion, les commissaires de nos écoles catholiques ont décidé à l'unanimité, sur la proposition de M. Bélanger, de réunir tous les petits garçons des différents quartiers de la ville assez avancés en âge et en instruction à l'école dite du centre. À cette fin, une classe additionnelle a été ouverte dans la maison. On s'attend à ce que 500 ou 600 enfants fréquenteront les classes cet automne. Ce sera un grand avantage pour notre jeunesse catholique qui recevra dans cette maison, outre une solide instruction générale, les bienfaits de l'éducation chrétienne. Depuis nombre d'années, les besoins de la discipline se faisaient vivement sentir dans cette portion si intéressante de la génération actuelle. Le service religieux a lieu tous les dimanches dans la chapelle de l'école, et déjà, on s'aperçoit du changement opéré dans la tenue de nos enfants, qui se conduisent mieux dans les rues et ont appris à saluer les personnes d'un âge mûr. Nous souhaitons aux bons frères tout le succès dû à leur dévouement. Les deux prochains extraits, tirés de « La presse et le progrès de l'Est » de l'édition du 8 septembre 1883 font directement référence au propriétaire du journal. On lit dans Le Messager de Nicolet, « Un nouveau journal vient de paraître. Le Progrès de l'Est, publié à Sherbrooke par Messieurs Bélanger et compagnie. C'est un magnifique journal de 8 pages, bien fait, soigné, très intéressant, et dont la typographie et l'impression ne laissent rien à désirer. L'agriculture, la colonisation, l'immigration et le commerce seront spécialement l'objet de son attention. Au cours de son programme, nous avons remarqué ces lignes suivantes qui sont très justes et que tous les journalistes devraient adopter. Comme les personnalités, dit-il, les injures et les grossièretés sont incompatibles avec le progrès, notre nouvel organe sera avant tout poli, ennemi de toute polémique injurieuse, de médisance et des calomnies qui ne font que souiller la plume des écrivains qui s'en servent et exciter le gros rire de la galerie. Voilà qui est bien dit. Que le confrère tienne toujours à cet article de son programme, il est certain de gagner la confiance et l'estime de ses lecteurs. Nous lui souhaitons longue vie et prospérité. Le journal de Waterloo. Nous avons reçu le Progrès de l'Est, édition canadienne du courrier de Worcester. Les bureaux de la rédaction et de l'administration sont à Sherbrooke et M. L.C. Bélanger, avocat, en est le rédacteur et administrateur. Le nouveau confrère se déclare conservateur indépendant. Il donne son appui au gouvernement de M. Mousseau. Dans un article que contient ce premier numéro sur la politique, nous lisons « Le Parti conservateur, quoi qu'on en dise, a rendu la province prospère et tant qu'il ne s'écartera pas de la voie qu'il a suivie, il méritera l'appui de tous les bons citoyens. » Nous remercions le journal de Waterloo de vouloir bien annoncer notre apparition, mais qu'il nous permette de rétablir 2 inexactitudes. Le Progrès de l'Est n'est nullement l'édition canadienne du courrier de Worcester. Notre journal est lui-même et nous entendons lui conserver sa propre autonomie. En second lieu, M. L.C. Bélanger, quoique agent général du Progrès de l'Est, n'en est ni le rédacteur ni l'administrateur. Merci 1000 fois à tous nos confrères pour leur bon accueil. En page 4 de cette édition du 8 septembre 1883, dans la rubrique Worcester, Massachusetts, on mentionne M. V. Bélanger, un des copropriétaires du journal. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'annonce publiée dans une autre colonne de la compagnie d'importation de thé de New York qui vient d'ouvrir une succursale au numéro 534 rue Main, Worcester. Le thé et le café se vendent par canette à raison de 1 $ l'une. Des milliers de personnes ont déjà trouvé des cadeaux de valeur depuis 10 cents jusqu'à 50 $ dans ces canettes à partir de l'ouverture de ce magasin d'un genre nouveau en cette ville. M. V. Bélanger, copropriétaire du courrier de Worcester, a trouvé mercredi dernier dans une canette contenant 3 livres d'excellent café un bouton en or avec diamant pur de la valeur de 25 $. Dans la rubrique Sherbrooke PQ, du 8 septembre 1883, on parle à nouveau de L.C. Bélanger, avocat à Sherbrooke. Bienvenue. Nous avons le plaisir de souhaiter une cordiale bienvenue à M. Wilfrid Cameron. M. Cameron est arrivé vendredi dernier à Sherbrooke pour exercer la profession d'avocat en société avec M. L.C. Bélanger. M. W. Cameron est bien connu à Sherbrooke où les membres de sa famille sont nombreux. En 1878, on remarquait dans l'étude de M. Bélanger un jeune clerc actif et laborieux. C'était M. Cameron qui étudiait sa profession et qui revient maintenant avec son ancien patron en qualité d'associé. M. W. Cameron a su s'acquérir un nom dans la presse comme rédacteur de La Voix du Peuple qu'il rédigea de 1881-82 pendant 17 mois, puis il prit la direction du Messager de Nicolet qu'il a gardé jusqu'à son départ pour Sherbrooke. Salut donc et prospérité à la nouvelle société Bélanger et Cameron. Mention de M. Étienne Bélanger dans la rubrique Woonsocket, Rhode Island, en page 4 de l'édition du 15 septembre 1883. Monsieur Étienne Bélanger visitera nos abonnés de Woonsocket la semaine prochaine. Avis aux personnes débitrices envers l'administration du courrier de Woonsocket. De nouveau, référence directe au propriétaire du journal, en page 8 de l'édition du 15 septembre, dans la rubrique Sherbrooke PQ. On lit dans le courrier de Saint-Hyacinthe. Le Progrès de l'Est est le titre d'un nouveau journal qui vient de paraître à Sherbrooke. Il est publié par messieurs V. Bélanger et compagnie du Courrier de Worcester et paraîtra une fois la semaine. Ce journal se déclare conservateur indépendant. Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau confrère. Toujours dans l'édition du 15 septembre, dans l'article consacré à la dernière réunion du conseil municipal de Sherbrooke, on annonce que L.C. Bélanger, l'avocat de la ville, a été nommé à une commission. Le conseil a siégé au grand complet lundi soir. Le nom de M. L.C. Bélanger a été ajouté à la commission chargée d'en venir à une entente avec le gouvernement provincial touchant la liquidation de la dette contractée par la ville envers le fonds d'emprunt municipal. En rapport avec cette question, M. Robertson, député de la ville, a présenté au conseil un mémoire dans lequel il rend compte d'une entrevue qu'il vient d'avoir avec le trésorier provincial. Il paraîtrait que celui-ci est disposé à accepter 36 000 $ contre quittance finale et générale. Quand on se rappelle que la somme due, d'après la loi adoptée il y a 2 ans, est de 52 000 $, il faut bien admettre que nos édiles ont été sages de ne point se presser. Il est probable que la réduction, talent à son train, en arrivera à un chiffre satisfaisant pour les deux parties. Nous croyons savoir que le conseil, afin d'éviter un procès, serait disposé à donner 20 000 ou 25 000 $ au gouvernement. La commission doit se mettre en rapport avec le trésorier provincial sans délai afin de tenter un dernier effort et en venir à une entente. Il est bien connu que Sherbrooke a une réclamation sérieuse à l'encontre de cette dette pour la libéralité qu'elle a faite au chemin de fer le Québec central et l'international, ainsi que par la construction du pont Elmer, qui était autrefois un pont de péage sous le contrôle du gouvernement et a été, depuis, rebâti aux frais de la ville, avec libre passage. Tous les hommes publics qui ont représenté la ville dans la législature depuis nombre d'années se sont accordés à dire que jamais les citoyens ne seraient appelés à solder cette dette. Fort de ces déclarations, ils ont généreusement doté la province de ces grandes voies de communication qui sont aujourd'hui une source de prospérité générale. En équité et en justice, la ville devrait obtenir sa quittance aux conditions les plus faciles. Espérons qu'il en sera ainsi. Au cours de la discussion qui eut lieu à ce propos, M. Robertson déclara que des mandats d'exécution étaient déjà signés et prêts à être lancés contre la ville de Sorel et aussi contre celle de Sherbrooke. Nous voudrions bien voir la figure des candidats du gouvernement lors des prochaines élections provinciales si le mandat émané contre Sherbrooke était exécuté. Le conseil a ensuite prélevé la taxe de l'année courante. Le taux a été fixé à 13 millions dans la piastre au lieu de 11, comme l'année dernière. On estime que les dépenses totales de l'année s'élèveront à la somme de 48 650 $. Sur ce chiffre, on trouve 10 000 $ pour la voirie. C'est une augmentation assez ronde sur l'année dernière, malgré les plaintes de ceux qui ont trouvé que les dépenses avaient été trop fortes. Cela prouve une fois de plus que le président de cette importante commission ne fait pas toujours comme il veut, mais comme il peut. Les nouvelles taxes seront exigibles le et après le 10 octobre prochain. Les contribuables auront alors 30 jours de grâce avec une réduction de 21,3%. La 12e et dernière mention du patronyme Bélanger, rencontrée à ce jour dans mes versions audio du Progrès de l'Est, fut en page 1 dans la rubrique « Nouvelles locales » de l'édition du 22 septembre 1883. On lit dans le « Waterloo Advertiser » Le Progrès de l'Est est le nom du nouveau journal français publié à Sherbrooke par Bélanger et compagnie et dont M. L.C. Bélanger est le rédacteur. M.B. est un journaliste habile et d'expérience qui saura rendre le Progrès intéressant. La nouvelle feuille s'annonce comme devant donner un appui indépendant au Parti conservateur. Merci aux confrères de la bonne opinion qu'il a de notre journal. Nous lui ferons seulement observer que M. L.C. Bélanger n'en est point le rédacteur. Les devoirs de sa profession ne lui laissent guère de loisirs et la situation politique actuelle n'est pas assez attrayante pour le ramener sur la scène à présent. Ça viendra plus tard. En attendant, nous comptons sur lui comme guide et inspirateur dans les sentiers tortueux par lesquels il nous faut passer. Il a en effet beaucoup d'expérience dans le journalisme et son esprit d'indépendance est bien connu. Thank you. Pour le volet purement historique, voici, tiré de l'édition du 25 août, un article consacré à la catastrophe d'Ischia. Selon Wikipédia, Ischia est une île volcanique à la partie nord du golfe de Naples, à environ 30 km de la ville de Naples, en Italie. Plus ou moins trapézoïdale, il mesure approximativement 10 km d'est en ouest et 7 km du nord au sud. Ischia est aussi le nom de la commune principale de l'île, qui est réputée pour ses bains thermiques auprès des touristes. La catastrophe d'Ischia. Nous empruntons du Gaulois, en date du 30 de juillet dernier, les détails suivants de cette épouvantable catastrophe. Les Napolitains me racontent que le tremblement de terre n'a duré que 15 secondes seulement. Mais, pendant ce court espace de temps, il s'est produit dans ses bases, son sol, son entourage, son atmosphère, un tourbillonnement si terrible que toute l'île a été secouée comme un prunier par le paysan qui en fait tomber les fruits. À 9h30, le fléau tordait la gracieuse Ischia avec des mugissements inouïs. Un quart de minute après, son œuvre était accomplie. Quand les premiers secours sont arrivés, un violent orage, avec haute marée, éclairs fulgurants, pluie diluvienne, formidable tonnerre, a éclaté, comme pour empêcher le sauvetage de ces malheureux ischiotes. À Casamicciola, petite ville de près de 4000 habitants, comme vous le savez, il ne reste plus qu'une maison debout. La secousse s'était produite à leur premier sommeil, la plupart des habitants ont été ensevelis dans leur lit. Hier, on comptait 1000 cadavres. Aujourd'hui, on en est à 2000. Demain, dit-on, le troisième 1000. De toutes parts, des débris amoncelés sortent des bras, des jambes, des têtes, meurtries et déchirées, et autour desquelles bourdonnent déjà des insectes. Le clergé et l'armée épuisent leurs forces sous un soleil brûlant à cette besogne épouvantablement sinistre. À chaque pas, prêtres et soldats sont entravés par des parents ou des amis en larmes qui cherchent les leurs parmi ce charnier, et qui ne parviennent point à les reconnaître tant ces tristes restes sont défigurés. La putréfaction répand dans l'air une puanteur suffocante. Des sacs de chaux et des bonbonnes d'acide phénique ont été expédiés pour désinfecter les ruines de ces miasmes mortels. Ce sont des scènes déchirantes qui font régner, parmi ces sublimes travailleurs, une émotion énervante. Le Conseil des ministres, qui s'est réuni dans la journée, a décidé d'envoyer de nouvelles escouades, de funèbres pionniers et 200 000 francs pour distribuer aux ischiotes survivants et que voilà réduits à la misère. Le roi Humbert a donné l'ordre de faire remettre aux autorités de l'île une somme dont on ne dit point le chiffre pour venir en aide aux survivants. Le pape Léon XIII a, le premier, comme je vous l'ai déjà mandé, donné l'exemple en priant Monseigneur l'archevêque de Naples de faire parvenir aux familles des victimes un don de 20 000 francs. Dans toute l'Italie, on ouvre des souscriptions. Je vous assure que cet élan de charité est admirable. Des associations charitables délèguent leurs secrétaires les plus dévoués pour ensevelir les morts. Parmi les morts, on a déjà reconnu Monseigneur l'évêque du diocèse, Madame la marquise Lorati et Madame la marquise Peccia de Rome. Monsieur le commandant Bordari, préfet de Cagliari, Madame la baronne de Rizet, Monsieur le professeur Falma, le commandant de la marine militaire, etc., etc. Les personnes distinguées de cette liste, déjà trop longue, mais qui n'est hélas qu'à peine ouverte, étaient venues à Ischia prendre des bains de mer ou les eaux des sources thermales. On comptait plus de 1500 baigneurs. Les hôpitaux ont reçu plus de 500 blessés, transportés par les bateaux à vapeur